Verset 6 à 10. Bokeh panzani sangoy, eh. Bokeh panzani sangoy. Balobi, à quel est parié? Balobi, va monier na Genève. Balobi, à quel est l'Amérique? Parti et un, et fouté ni et piqueo. Oh, Zambé à Sala, Batoma Ben à Mokili. À Sala Pé, Batoma Lamon à Mokili. Batou à Tinda Nazaï, Moussala Koseka Batia Malari. Batou à Tinda Nazaï, Moussala Koseka Batia Mpasi. Nasala Nini Mao. Balobina Bengisi Banana Sali Testament. Na pesa moana na moana loko alingi. Na loba nini. Nani na lobele kili kamboyo na seya pungi. Nani na lobele kili kamboyo na seya ndoto. Kisa sabi loba, loba ye. Na sala nini. Oh. Moke panza ni sangore. Moke panzi ka sangore. Balobi. Akoti l'hôpitalo. Balobi. Ba moni en angalye mai. Balobi. Ake de Bruxelles. Balobi. Ba moni en anvers. Balobi. Ake de Paris. Balobi, ba moni en a Genève. Balobi, a ken en Amerika. Parti et a, e foute li et tike o. Nini boye mpona, nini boye. Moto a ko koufa, bango bako sekaye. Moto a ko pela, bango bako mela. Palingi ba mona mpasi ya moninga ba seka. Palingi ba mona mpasi ya moninga ba tondwa. Kambo yango esala maka pena Kinshasa. Na mona pena mboka mosusu te. Kinshasa moto ya mawazali te. Na loba nini. Epai bakolele bembe, epai bakobina mizi. Epai bakolele bembe, epai bakoloba maloba mape. Na sala nini na mokili ya bato. Pona nini Nzambe asala bato. Batu atinda na zai, mosala koseka batu. Batu atinda na zai, mosala koseka batu ya maladi. Na sala nini o mokini. Boke panza ni sangoe, hey. Boke panzi nga sangoe. Balobi, akoti l'hôpitaloe. Balobi, bamoni enangalie mae. Balobi, akene buseye. Balobi, bamoni enangalie. Balobi, à quel est marié? Balobi, ma monie est à Genève. Balobi, à quel est l'Amérique? Parti et un, et foutez-y et kikéo. Oh, oh, Baninga. Famille, ni les organes pas cité dans mon kini. Maman, ni n'y a pas de moi, n'a pas de les organes pas cité. Et comme il y a un gars. Oh, Boboumingam Balamotoba, tant nous avons un misat, Nayawana Potom by misat, Naybe Loko Nini Bolingin and Zotan and Aite, Nazayne Motroko Labino, Nana Zogan Passitanamoki, Nana Bella Gate, Balamotoba Boboumingam and Zamba Ogrinote, Zamba Ogrinelo Sambo Nangai. Nalo sambo ya batuwa yako sambo ya pona ngai. Oh, ikamboteza mokini. Mokolompe zali.